Les routiers sont sympas ou pas. Bernard et Faustine arrivent à Munich en début de soirée, trop tard pour décharger le soir même. Ils laissent le Fred devant chez le client et partent se promener avec le tracteur. Bernard a envie d'aller tester un nouveau restaurant dont on lui a parlé de l'autre côté de la ville. C'est un endroit peu banal, une sorte de chalet entièrement recouvert de feuilles d'aluminium. À l'intérieur, il y a une gigantesque piste de danse éclairée par plusieurs dizaines de boules disco qui projettent des reflets tous azimuts. L'endroit s'appelle le Ranch et imite assez bien son modèle américain. Les jeunes gens goûtent les hamburgers maison, les épluchures de pommes de terre frites et le coleslaw. Avant d'aller se coucher, ils s'essayent à un rock endiablé suivi de quelques slow histoire de se calmer. L'endroit est presque vide. C'est l'avantage de voyager en semaine. Pendant la soirée, la neige s'est mise à tomber. Les flocons, mis en valeur par la lumière dorée des lampadaires, donnent à la scène quelque chose de féerique. Ce soir, nos amoureux ne fermeront pas les rideaux de la cabine. Le lendemain matin, dès l'aube, ils sont chez le client et passent la matinée à décharger le Scania. Après avoir avalé un sandwich vite fait, ils roulent durant plusieurs heures vers la Suisse. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, les copains, en amont et en aval, prennent contact via la CB. Vers 17h, ils se retrouvent à plusieurs les uns derrière les autres, juste avant la descente de la fameuse queue du chat, un tronçon d'autoroute superbe, très lisse, très droit, mais aussi très dangereux à cause du manque de garde-fous et des risques de verglas à cette époque de l'année. Le ruban d'asphalte est si beau qu'il est vraiment tentant de pousser les véhicules au maximum, puisque les limitations de vitesse en Allemagne sont inexistantes. Beaucoup de chauffards sévissent. C'est l'instant choisi par le conducteur d'un car de touriste pour faire une queue de poisson à Bernard. Il aura mieux fait d'éviter. Illico, celui-ci rameute tous ses collègues. Éric, François et Maxime, qui, lui, a vu toute la scène. La Sibi chauffe à blanc. Faustine n'a jamais vu son chéri aussi furieux. Elle n'ose pas moufter. Muette, elle assiste à la scène. Ils réagissent au quart de tour, c'est le cas de le dire. Elle voit Éric se mettre en position devant le car, François, lui, passe derrière, et Bernard et Maxime déboîtent pour se positionner en double file et couper court à toute velléité de fuite. Coincé dans cet étau, le chauffeur du car commence à peine à réaliser la délicatesse de sa position lorsqu'au signal de Benny, les quatre poids lourds éteignent tout leur feu. Ils accompagnent leurs victimes sur 3 bons kilomètres. Faustine, aux premières loges, rapporte à Bernard les réactions du malheureux chauffeur. Non seulement il est plongé dans la nuit noire, incapable de mesurer la distance qui le sépare du camion qui le précède, encore moins de celui qui le suit, mais en plus, il est aveuglé par toutes les loupiottes qu'ont allumées les occupants, qui se doutent de quelque chose. Tous s'agitent, se lèvent et semblent crier des instructions ou simplement beugler de trouille. Faustine fait de grands sourires au chauffeur qui doit bien mouiller son froc et regretter son arrogance de tout à l'heure. Enfin, au bout d'un interminable moment, Bernard finit par avoir pitié et desserre l'étau. Ça ira pour cette fois. Les quatre amis se donnent rendez-vous chez Germaine pour la tarte aux myrtilles. C'est la meilleure de la région. La semaine suivante, c'est carnaval. Et manque de bol, maman s'annonce un bal pour le Morgenstreich. Elle a décidé d'y aller avec Faustine, Walter et Maria. Ils se retrouvent donc tous sur la Barfusserplatz, à leur endroit habituel, un peu avant 4h du matin. Faustine est contente de revoir sa mère après 8 mois d'absence. Les retrouvailles sont d'autant plus chaleureuses qu'elles ont lieu pendant un instant magique au milieu d'une foule en liesse. À 6h du matin, après avoir regardé défiler toutes les lanternes, on trouve péniblement une place dans un café pour déguster la soupe à la farine brûlée et la tarte aux oignons. Ensuite, Faustine rentre chez elle pour dormir un peu avant le service du soir. Demain, elle retrouvera sa mère au restaurant des Trois Couronnes, sur la place du marché. Il y a foule au Hart ce soir. On attend plusieurs clics et quelques compteurs de Schnitzelbank. les fameux poèmes satiriques balois. Faustine n'arrête pas de courir partout. À un moment, elle est obligée de s'arrêter pour souffler. Un homme est entré déguisé en clochard. Il danse avec son balai qui ressemble à un gros plumeau. Il est tellement doué que les conversations s'arrêtent petit à petit. Enfin, après un dernier tour de piste, l'homme sort avec son balai. 5 minutes plus tard, il revient, reprenant sa sarabande. Tout à coup, oh miracle, le balai bouge. Il entre dans la danse à son tour. Le tour de passe-passe est tellement bien fait que la salle reste muette de saisissement, avant d'éclater en applaudissements. Le lendemain soir, mère et fille sont assises au restaurant peu après 18 heures. Elles commandent le fameux émincé de veau à la zurichoise avec rösti, spécialité de la maison. Les deux femmes ont beaucoup de choses à se dire. Faustine raconte très succinctement ses aventures pour trouver un travail correct, omettant soigneusement les épisodes qui pourraient ne pas plaire, comme sa rencontre avec son père ou ses mésaventures avec le René. Maman, de son côté, parle de ses soucis avec l'entreprise, évoque la grossesse de l'employé qu'elle a engagé pour remplacer Faustine. Elle a déjà reçu sa démission pour le mois de mai. Au fait, tu veux une cigarette ? Non merci, j'ai les miennes. Ah bah ça alors, moi qui espérais que tu serais restée raisonnable, tu as de la chance d'être trop grande pour recevoir une gifle. Et d'enchaîner sur ses turpitudes grassoises et surtout son souhait que Faustine rentre fin mars. Mais, j'ai mis Faustine, je suis bien ici, moi, je n'ai pas du tout envie de rentrer. Voyons, ma chérie, tu ne vas tout de même pas te complaire dans ce travail subalterne toute ta vie. Je ne t'ai pas élevée pour que tu finisses serveuse. Et puis, rétorque Faustine, c'est toi-même qui m'as dit qu'il n'y a pas de saut métier. Tu n'as pas été serveuse, toi, peut-être. Oui, bon, enfin, de toute façon, tu n'as pas le choix, ma fille. Je te rappelle que tu n'es pas majeure. Par conséquent, tu obéis, c'est tout. Faustine reste coite. Mais rassure-toi, je te laisserai partir à ta majorité, sitôt que j'aurai trouvé quelqu'un de convenable pour te remplacer. À moins que d'ici là, tu reprennes la boîte, va savoir. C'est compris? Tu redescends le 31 mars. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Et voilà, emballé, c'est pesé. Faustine a, une fois de plus, l'impression de s'être fait avoir. Que faire? Que dire? La pilule est amère. Un vilain sentiment que les vacances sont finies subsiste. Adieu la liberté, du moins pour un moment. Elle sait très bien que sa mère a raison juridiquement parlant. Elle va devoir s'habituer à cette idée. Mais elle ne fera rien pour faciliter la vie de Madame Mère. Elle va le lui faire payer, et la facture sera lourde. De plus, elle est fermement décidée à revenir dès l'été 1977, l'année de ses 21 ans. Reste à convaincre Bernard de l'attendre.